Yes. Combination. Shaking styles alongside Tina. My style. Yeah. Je m'ennuie cette nuit. Toujours ces insomnies. Déjà minuit. Je pars rejoindre mes ladies. Shaggy.